Ma ville en images, de juillet à octobre 2015, pages 4 et 5. Travaux du 11 novembre, le 22 juillet. Premier triathlon, 2 août. Rallye pédestre, 13 septembre. Foire aux chiens, 23 août. Visite des élus à l'église Saint-Jean-Baptiste, 1er septembre. Travaux sur le talus au pont de l'Europe, 14 septembre. Travaux place Saint-Rémy, 9 octobre.